السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc, on continue l'explication de Nawaqid al-Islam de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahu Allah. Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, il a dit, في الدرس الحادي عشر بشرح ناقد الأشاعرة قال رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. نعم الشيخ هادي شيخ محمد بن عبد الوهاب que le dixième annuatif c'est le fait de se détourner de la religion d'Allah, de ne pas la prendre et de ne pas la mettre en application du tout. De ne pas la prendre et de ne pas la mettre en application du tout. Et le délit, c'est le verset, selon la traduction rapprochée, et qui est plus injuste que celui qui est rappelé des versets d'Allah, et après ils sont détournés. Après ils s'en détournent. Certes, nous vengerons des criminels. Cheikh Fawzan, il a dit Al-Ayat, Al-Dallatu ala kufr al-i'radi kathira. مثل قوله تعالى والذين كفروا أما أنذروا معرض ومثل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومثل قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ومثل قوله تعالى من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين مثل قوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكهم عذابا صاعدا مثل قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى مثل قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون مثل قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشيخ فوزان dit que les versets qui montre la mécréance de ceux qui se détournent de la religion complètement. Et là, ce qui veut dire, c'est le fait de ne pas pratiquer du tout la religion, de ne pas pratiquer du tout la religion, comme ceux qui disent que je suis musulman, mais je ne suis pas pratiquant. Il a dit que les versets à ce sujet-là sont très nombreux, comme les versets sur la traduction rapprochée. Et ceux qui ont mécru lorsqu'ils sont rappelés se détournent. Et comme les versets sur la traduction rapprochée, et qui est plus injuste que celui qui est rappelé les versets d'Allah, et ensuite s'en détourne et oublie ce qu'il a commis de ses deux mains, ou avec ses deux mains. Et comme le verset, et lorsqu'on leur dit de venir vers ceux qu'Allah a révélés vers le prophète, tu vois les hypocrites se détourner complètement de toi, Et comme le verset, son attraction rapprochée, et celui qui se détourne du rappel de Ar-Rahman, nous lui donnerons un shaitan, et il sera son ami inséparable, il sera son compagnon inséparable. Et comme le verset, celui qui se détourne du rappel de son Seigneur, il le mènera vers un châtiment graduel, Et comme le verset, puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne, Et le jour du jugement dernier, nous le ramènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais ? Et Allah dira, de même que nos signes, nos enseignements ont été venus et tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié et délaissé. Et comme le verset, quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres en disant, quelqu'un vous voit-il, puis se détourne, qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Et comme le verset, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement, en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les touche ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ah. Ensuite, le cheikh, il a dit, فالله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة وعدم تعلمهما وعدم العمل بهما بأنواع من الوعيد. Avec Allah Azza wa Jalla met en garde contre le fait de se détourner de son appel qui est le Coran et la Sunna, et contre le fait aussi de les apprendre tous les deux et de les mettre en application par différentes menaces. Et la janib d'alika fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad raghaba fi ta'allum al-'ilmi an-nafi'. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam raghaba fi ta'allum al-'ilmi an-nafi' wa al-'amali bihi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. On a dit que au côté de ça aussi, il y a le fait que Allah Azza wa Jalla a encouragé et appelé les gens à apprendre la science utile, de même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'apprendre la science utile et de la mettre en application. Là, il y a un verset dans le Coran Azza wa Jalla. Les croyants n'ont pas quitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque langue quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir le peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Il prête dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam que celui à qui Allah veut du bien, il donne la compréhension de la religion. C'est-à-dire qu'il facilite le fait de comprendre la religion et de l'étudier. فالتفقه في الدين وتعلم العلم وتعلم العلم النافع من علامات الخير الذي أراده الله للإنسان والإعراض عن التفقه في الدين من العلامات أو من علامات الشر ونعم من علامات الشر. Il a dit que le fait d'apprendre la science et de la comprendre, ça c'est un des signes qui montre qu'Allah veut le bien pour son serviteur Azza wa Jalla. Alors que le fait de se détourner de la science et le fait de la comprendre, ça, c'est un des signes qui montre que la personne n'a pas de bien en elle, qu'il y a du mal en elle. Le fait d'apprendre la science, c'est de deux types, deux catégories. Le qism al-awwal, qism fardu aynin ala kulli muslim la ahada yu'adharu bi jahlihi wa huwa ma la yistakimu dinu al-abdi illa bihi min ma'rifati al-aqidati al-sahiha wa ma yudaduha وما ينقصها ومعرفة الأحكام أو أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة أي أركان الإسلام الخمسة فلا بد لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وإلا فكيف يؤدي دينه على الوجه المشروع إذا لم يتعلم هذه الأركان الخمسة. Le premier type, c'est le fait d'apprendre ce qui est obligatoire pour chaque musulman. Fardu Ayn, c'est tout ce dont la personne a besoin pour sa religion et toute chose que personne parmi les musulmans ne sera excusé si jamais il ne les connaît pas. Comme la croyance et ce qui l'annule et ce qui la diminue, de même que les jugements en rapport avec la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, l'umra, c'est-à-dire les cinq piliers de l'islam. Donc chaque musulman et chaque musulmane doivent apprendre ça de façon obligatoire. Sinon, comment est-ce qu'il peut faire ça et mettre en application sa religion comme c'est légiféré si jamais il n'apprend pas ces cinq piliers-là. Le qism al-thani, ma ta'allamu fardu kifaya, laysa 'ala kulli muslimin bal 'ala man 'indahu al-isti'dad li dhalika, wa huwa ta'allamu baqiyati abwab al-'ilmi min fiqh al-mu'amalat wa fiqh al-mawarith wa fiqh al-ankiha wa fiqh al-hudud ila ghayri dhalika. Fa hadha al-'ilmu تعلمه فرض كفاية لحاجة الناس إليه وإذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة من أفضل السنن لأنه قد لا يتسنى لكل أحد أن يتعلم هذه الأبواب من العلم فلذلك صار تعلمها فرض كفاية على المسلمين. Deuxième type, c'est le fait d'apprendre des sciences, comme il a dit, fardu kifaya, c'est-à-dire ce qui est obligatoire de façon générale aux musulmans. C'est pas obligatoire pour chaque personne. C'est pas obligatoire pour tout musulman d'apprendre. Pourquoi? Parce que tout le monde n'en a pas la capacité. Ni les moyens, ni les possibilités. Et c'est le fait d'apprendre tout ce qui est en rapport avec les transactions financières, l'héritage et tout ce qui est en rapport avec les mariages, divorces, ainsi de suite, et tout ce qui est en rapport avec les peines légales, ainsi de suite. Il a dit que ça, c'est obligatoire de façon générale pour les musulmans. Si jamais une partie des musulmans s'en occupe et la prend, ce sera une sunna pour le reste des musulmans. Ce sera une sunna pour le reste des musulmans. Parmi les meilleurs des sunna, mais ça ne sera pas obligatoire pour tout le monde. Et si jamais personne ne le fait, ils sont tous dans le péché. Si jamais personne ne le fait, ils sont tous dans le péché. Non. Il a dit, pourquoi? Parce que c'est pas possible pour tout le monde d'apprendre ça. Ce n'est pas possible pour tout le monde d'apprendre ça. Donc c'est une obligation de façon générale. Fard kifaya. والإعراض معناه الانصراف عن الشيء وعدم الرغبة فيه وعدم الرغبة فيه. Ce que le cheikh veut dire, cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand il dit l'i'rad, c'est le fait de se détourner d'une chose et de ne pas avoir d'envie par rapport à cette chose-là. Comme on a dit, quand il dit qu'on se détourne de la religion, c'est comme certaines personnes disent qui ne pratiquent pas la religion. Certains musulmans, si on peut appeler ça des musulmans, qui disent qu'ils sont musulmans, mais ils ne pratiquent pas la religion du tout. C'est pas par fainéantise ni par flemme, mais c'est le fait qu'ils n'aiment pas du tout le fait de pratiquer la religion. Ils ne pratiquent pas du tout. Ils ne prient pas du tout, ils ne font pas de jeûne, ni de hajj, ni rien du tout. C'est ça dont le cheikh il parle ici. Il a dit que le fait qu'il n'apprenne pas, ce qui veut dire qu'il n'apprenne pas la religion, c'est qu'il n'apprenne pas la religion, pas par fainéantise, ni parce qu'il n'est pas intéressé, mais parce qu'il n'est pas intéressé et qu'il n'aime pas du tout la religion. Et c'est ce qui veut dire ici le cheikh. Il dit que c'est pas par fainéantise, ni par incapacité, c'est parce qu'il n'aime pas du tout la religion et qu'il n'a aucun intérêt et qu'il n'est pas intéressé par la religion. Ça, il sera mécréant parce qu'il n'aime pas la religion et il ne veut pas non plus se limiter ou se conformer à la religion. الدراسية من العلوم الدينية لأنها بزعم تزرع التشدد والغلو والتطرف والإرهاب. Non, il a dit parce que si jamais la personne elle avait de la religion et si jamais elle était intéressée par la religion, elle apprendrait. Mais le fait que la personne n'apprenne pas du tout sa religion et qu'elle s'en détourne complètement, ça montre qu'elle n'a pas d'étude de religion, qu'elle n'est pas intéressée par la religion non plus. Il a dit que parmi ceux qui rentrent dans cette catégorie aussi, c'est ceux qui disent qu'on doit enlever tout ce qui est en rapport avec la religion dans les programmes, dans les écoles, qu'on doit enlever tout ce qui est en rapport avec la religion dans les programmes, dans les écoles, parce que soi-disant, selon eux, ça apprend aux enfants la dureté et l'exagération et le terrorisme, comme ils disent, comme a dit le cheikh. D'ailleurs, وكذلك من يتعلمه ولكن لا يعمل به هذا أيضا يكفر ويرتد ويرتد عن دين الإسلام. فإذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ولا يؤدي الواجبات ولا يتجنب المحرمات فهذا لا رغبة له في العمل وهذا يكفر فهذا يكفر. نعم. De même que, comme dit le cheikh, celui qui apprend la religion mais qui n'aimait pas du tout en pratique, comme on a dit, c'est-à-dire que il ne prie pas du tout, il ne prie jamais, il ne jeûne pas non plus, il ne donne pas non plus la zakat, il ne fait pas non plus le hajj ni l'umrah, il a dit que ça, ce sera un apostat. De même qu'il ne met pas en application ce qui est obligatoire, il descend non plus ce qui est interdit. Ce qui est interdit, il le fait. Ce qui n'est pas permis, il le fait. Ce qui est wajib, il ne le fait pas. Il ne se gêne pas du tout. Il a dit que cette personne-là n'a aucun intérêt, il n'a aucune envie dans la religion. Donc ça, ce sera un apostat. Non. Il a dit فَهَذَا أَوْ فِي هَذَا رَدُّنَا الْمُرْجِعَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَيَكْفِي الْاعْتِقَادُ بِالْقَلْبِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ لَوْ لَمْ يَعْمَلْ فَالشَّيْخُ هُنَا يَقُولُ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ أَيْ رَفَضَ الْعَمَلَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْهُمْ وَأَبَى يُصَلِّي أَوْ يَصُومَ أَوْ يُزَكِّي أَوْ يَحُجَّ الْفَرِيضَةَ أَوْ أَبَى أَنْ يَتَجَنَّبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَيُؤَدِّيَ الْوَاجِبَاتِ فَهَذَا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِالدِّينِ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. Il a dit que le cheikh Fazan, il a dit que ça c'est une réplique aussi, c'est un rad au murji'a. Et les murji'a, comme on a dit, ce sont ceux qui disent que les actions ne rentrent pas dans la foi, que les actions ça ne rentre pas dans la foi. C'est-à-dire qu'eux ils voient que la personne, du moment qu'elle est croyante, si elle ne fait aucune action, c'est pas grave. Et le cheikh a dit que ça c'est un rad à cette secte-là au Mouria, parce que Celui qui ne met pas du tout en application la religion, même s'il la connaît, c'est un mécréant. C'est un mécréant, comme disent savants. Les Mourjiya disent que non, que le fait d'avoir la foi dans le cœur et de croire à ce qui a été révélé, que ça suffit. Et que le fait de mettre en application les actions, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est ce qu'ils disent les Mourjiya. Ils disent que si la personne délaisse toute action, du moment qu'elle a la foi dans son cœur, ça suffit. Du moment qu'elle a la foi dans son cœur, ça suffit. Cheikh Fawzan dit que ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Et ce qu'il a dit là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est un rod, c'est une réplique à cette secte-là. Il a dit que celui qui délaisse l'action avec sa capacité, alors qu'il en a la capacité et qu'il en a la possibilité, qui refuse de prier, il ne prie pas du tout, il ne jeûne pas du tout. Il ne jeûne jamais, il ne prie jamais, il ne fait jamais de zakat, il ne fait jamais le hajj qui est obligatoire, et il refuse d'éviter tout ce qui est interdit et de faire ce qui est obligatoire. Il dit ça, ce sera un mécréant, ça sera un mécréant. Parce qu'il n'aimait pas une application de la religion. Et Allah, il a dit à Zawajal dans le verset que quiconque a mécru en la foi, ses actions seront devenues vaines. Ses actions seront devenues vaines et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Il sera parmi les perdants. Il a dit Fala budda min al-amrain ta'allumi umur al-din wa hiya al-umur alladhi la yastaqimu al-din illa biha wa al-amru al-thani na'malu biha. Il a dit ainsi, c'est obligatoire de concrétiser les deux choses. Premièrement, d'apprendre les choses qui sont indispensables pour la religion, comme on a dit, les bases de la religion, les piliers de l'islam, et deuxièmement, de les mettre en application. Deuxièmement, de les mettre en application. La budda min al-ilmi wa al-amal, wa la yasluhu ilmun duna amal, wa la yasluhu amalun duna ilm, fahuma qarinani. Wallahu ta'ala yaqul, arsala rasulahu bil huda, wa dinin haqqi liyudhirahu ala dini kullihi, wal huda hu al-ilm nafi' wa dinu haqq. ودين الحق ونعم الصالح فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين لم يبعث بالعلم فقط ولم يبعث بالعمل فقط إنما بعث بالأمرين فهما قرينان. Il a dit que ainsi la science sans action c'est pas possible, de même que l'action sans science n'est pas possible. Il faut absolument les deux sont liés, les deux sont liés. Comme il est dans le verset, selon la traduction rapprochée, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toutes les autres religions. Et le Cheikh a dit que le Huda, la bonne direction, ça c'est la science utile, ça c'est la science utile. Wadinun haq, la religion de la vérité, ça c'est la bonne action, ça c'est la bonne action. Et ça c'est ce qu'il a dit Ibn Abbas, si je ne me trompe pas, ou les compagnons. Et c'est ce qu'il a dit aussi Ibn Kathir, Jardin, beaucoup d'autres savants, dans leur tafsir, de ce verset-là, que dans le Coran, Al-Huda, c'est la science utile. Et Din al-Haq, la religion de la vérité, c'est les bonnes actions. Il a dit que le prophète Mohammed, il a été envoyé par les deux choses. Il a été envoyé par les deux choses, par la science utile et la bonne action. Il n'a pas été envoyé que par la science, ou ni non plus que par la bonne action, mais par les deux. Il a été envoyé par Allah Azzawajal avec la bonne action et la science utile. والذين أخذوا العلم وتركوا العلم أو وتركوا العمل هم المغضوب عليهم المغضوب عليهم يعني que ceux qui prennent la science qui délaissent l'action font partie de ceux contre qui on s'est courroucé font partie de ceux contre qui on s'est courroucé comme les juifs من اليهود ومن نحى نحوهم نحوهم ممن تعلم دين الله ولم يعمل به donc comme les juifs et tous ceux qui sont sur leur voie qui apprennent la religion mais qui ne la mettent pas en application qui apprennent la religion mais qui ne la mettent pas en application. Ça, c'est comme il a dit Soufiane, il a dit que Man fassada min ulama'ina fa fi shabahu min al-yahoud. Man fassada min ubadina fa fi shabahu min al-nasara. Il a dit que toute personne qui s'égare parmi nos savants, eh bien, elle aura ressemblé aux juifs. Et toute personne qui s'égare parmi nos adorateurs, eh bien, elle aura ressemblé aux chrétiens. Ensuite, le Cheikh a dit Qalin akhadul amal. والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم النصارى ومن وافقهم من المتعبدة والمتصوفة الذين يعبدون الله على جهل وضلالة ولا يعبدون الله على علم. Il a dit que ceux qui prennent l'action et délaissent la science, ce sont les juifs, les chrétiens, ce sont les chrétiens, les nassara, et ceux qui sont en conformité avec eux, comme les adorateurs et les soufis, qui adorent Allah avec science, avec ignorance, qui adorent Allah avec ignorance, sans science et égarement. ولا يعبدون الله على علم ويقولون تعلم العلم يعوق عن العمل او يقولون اذا عملت فان العلم ياتيك تلقائيا بلا تعلم وإذا عملت إذا عملت نعم إذا عملت فإن العلم يأتيك تلقائيا بلا تعلم، بأن يفتح على قلبك ويأتيك العلم دون أن تتعلم على العلماء. هذا هو قول الصوفية قديما وحديثا، يزاهدون في تعلم العلم والجلوس عند العلماء ويقولون المطلوب العمل، فإذا عملت وعبدت الله فتح الله عليك العلم بدون أن تتعلم، وهذا ضلال والعياذ بالله. Il dit que les soufis disent que le fait d'apprendre la science, ça empêche de faire des actions, ça empêche de faire des actions. Et ils disent que si jamais tu fais des bonnes actions, la science deviendra automatiquement. La science deviendra automatiquement et que Allah Azzawajal te donnera la science, il te fera don de la science sans que tu t'assoies avec les savants, sans que tu t'assoies avec les savants et que tu apprennes auprès des savants. Ça, c'est ce qu'ils disent les soufis dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil, ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'ils découragent les gens à apprendre la science utile et de s'asseoir avec les savants. Et ils disent que ce qui est important, c'est de faire des bonnes actions. Ce qui est important, c'est de faire des bonnes actions, de prier, de jeûner, ainsi de suite. Et si jamais tu fais des bonnes actions, tu adores Allah, il te donnera la science sans que tu apprennes et sans que tu cherches la science. Et cherche à dire que ça, c'est l'égarement, ça, c'est l'égarement pur, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. فالذي يرفض تعلم العلم رغبة عنه يكون كافرا، والذي يرفض العمل بالعلم نهائيا يعتبر كافرا أيضا. Il dit que celui qui refuse d'apprendre la science en étant, il n'est pas intéressé par la science de façon complète, ça c'est un mécréant. De même que celui qui délaisse le fait de mettre en application la science de façon complète, ça c'est un mécréant aussi. Bien sûr, quand on a dit qu'il n'apprend pas la science, c'est qu'il n'apprend rien du tout de la science, qu'il n'apprend rien du tout de la religion, qui mettent en application rien du tout de la religion, comme on a dit. Il y a ceux qui disent qu'ils ne pratiquent pas la religion, qui sont musulmans, mais qui ne pratiquent pas, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne font pas de zakat, ni de hajj, ni de umrah, ils ne font aucune action parmi les actions de l'islam. Il a dit, « Wa li hadha qala al-shaykh, rahimahullah, al-i'rad dinillah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, fala yata'allamuhu hadhi tariqati dhalin, hadhi tariqatu dhalin, min al-nasara. » والمتصوفة وغيرهم ولا يعمل به هذه طريقة اليهود ومنح نحوهم من كل عالم من كل عالم لا يعمل بعلمه. نعم. Il a dit que c'est ce qu'il a dit le cheikh, que celui qui délaisse sa religion, s'en détourne complètement, ne l'apprend pas et ne met pas non plus en application. Lorsqu'il a dit فلا يتعلمه, c'est-à-dire qu'il n'apprend pas la religion, là, ce qui veut dire c'est la voie des égarés qui sont les chrétiens et les soufis et ceux qui sont comme eux, qui ne mettent pas en application la religion. Et voilà, yamalubihi, voilà yamalubihi, ça c'est la voix des juifs, ça c'est la voix des juifs et ceux qui sont comme eux. Toute personne qui a des sciences mais qui ne met pas en pratique, toute personne qui a des sciences mais qui ne met pas en pratique. Le mouradu min al-ta'allum wa min ta'allum al-ilm huwa al-amal bihi. Wala yata'allamu al-ilm limujarrad al-ma'rifa aw li yuqal huwa 'alim aw lil madhi wala yuridu lil-'amal. ولا يريده للعمل إنما يريده لهذه الأمور لمجرد المعرفة وللمدح والثناء والارتفاع مكانه عند الناس فمن كان هذا همه وقصده فهو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة مجاهد ومتصدق ومتعلم. Le fait d'apprendre la science, le but c'est de la mettre en pratique, le but c'est de la mettre en pratique et de la mettre en action. C'est pas le but. Le but, ce n'est pas de l'apprendre juste pour avoir la connaissance ou pour qu'il soit dit qu'un tel est un savant ou pour qu'on fasse l'éloge d'un tel. C'est-à-dire que la personne apprend la science, elle apprend la science seulement pour avoir des connaissances ou pour qu'on fasse l'éloge ou pour qu'elle soit élevée auprès des gens. Et toute personne qui fait ça, qui apprend la science avec comme but d'avoir des connaissances ou d'être honoré et élogé auprès des gens, et bien fera partie des gens qui seront les premiers qui seront jetés dans l'enfer, qui sont les premiers qui seront jetés dans l'enfer, comme c'est dans le hadith, que les trois personnes par qui on commencera à jeter dans l'enfer, qui sont au nombre de trois, ils sont au nombre de trois, mujahid, une personne qui a fait jihad, qui a combattu, une personne qui fait des sadaqat, une personne qui a appris la science. فالمجاهد الذي جاهد فقتل يأتي يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت؟ فيقول يا رب جاهدت فيك حتى قتلت. فيقول له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم يسحب إلى النار. Le premier, c'est celui qui a fait jihad, qui a combattu et qui a été tué dans le jihad. Yom al-Qiyama le ramènera et Allah Azzawajal lui dira « Qu'est-ce que tu as fait comme action ?» Il dira « Oh mon Seigneur, j'ai combattu dans ton sentier pour ta cause jusqu'à ce que j'ai été tué. » Et Allah lui dira « Azzawajal, non, tu as menti. » Les anges aussi diront que tu as menti, mais plutôt tu as combattu pour qu'on dise que tu es courageux. Et ça a été dit. Ensuite, il sera traîné jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Deuxième personne, c'est une personne qui fait des sadaqas. Et pareil, elle sera ramenée au Kama. Et Allah dira à Zawiyal, qu'est-ce que tu as fait? Il dira, je n'ai pas laissé le sentier dans lequel tu aimes qu'on dépense sans y dépenser. C'est-à-dire, j'ai dépensé dans tous les sentiers, dans tous les chemins qui sont légiférés. Allah dira à Zawiyal, qu'adapte, tu as menti. Les anges aussi diront, tu as menti. Et plutôt, tu as dépensé pour qu'on dise que tu es généreux. Et ça a été dit. Ensuite, tu seras traîné en enfer et jeté dans l'enfer. ثم يؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت فيقول تعلمت فيك العلم وتعلمته فيقول الله أو علمته فيقول الله كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل ثم يسحب إلى النار. La troisième personne, c'est un savant qui sera ramené. Pareil, on lui dira, qu'est-ce que tu as fait comme action? Il dira, j'ai appris la science pour ta cause, Allah, et ensuite je lui ai enseigné. Allah dira à Zawiyal, tu as menti. Et les anges aussi diront, tu as menti, mais plutôt, tu as appris la science pour qu'on dise que c'est un savant. Et ça a été dit. Ensuite, tu seras traîné, jeté en enfer. Que nous en réserve. Fa yubda'u bihi qabla al-ubad al-awthan. Fa yubda'u bihi qabla al-ubad al-awthan. Fa yaqul kifa nu'adhib au nu'adhab qabla abadati al-awthan. Fa yuqal lahu. Le cheikh dit que ce sera par eux qu'on commencera le châtiment, même avant les adoratoires des tombeaux et des statues et des idoles. Et il dira, comment est-ce que ça se fait que nous on soit châtiés avant les associateurs, avant ceux qui adorent les tombeaux et les statues et les idoles. Et on lui dira, ceux qui savent ne sont pas pareils que ceux qui ne savent pas. Ceux qui ont la science ne sont pas pareils que ceux qui n'ont pas la science. Pas pareil que eux, ni dans la récompense, ni dans le châtiment. Le châtiment, il est plus douloureux pour ceux qui ont la science. Il est plus douloureux pour ceux qui ont la science. Et pareil, la récompense, n'est pas pareil pour ceux qui ont la science et ceux qui n'ont pas la science. Il faut l'amru muhimmun jiddan, amru ta'allum, amru amali, faman rafadahuma ou rafada ahadahuma, fa'innahu yakun murtaddan, andini l'islam. Donc, ainsi, c'est quelque chose de très dangereux, le fait comme on a dit, de se détourner de la religion et de ne pas la mettre en application. Et que celui qui rejette les deux choses-là, soit qui rejette le fait d'apprendre la religion de façon complète, ou sinon qui rejette un des deux, qui ne met pas en application ou qui n'apprend pas la religion du tout, et bien il sera un apostat qui sortira de l'islam. ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغه استكبارا على الحق وردا للحق فهذا يكون مع المستكبرين فهذا يكون مع المستكبرين هذا من كفر الاستكبار عن الحق. Le cheikh a dit que certaines personnes, quand on leur dit la vérité, ils refusent, ils font preuve d'orgueil. Et ça, ça peut être de la mécréance. Ça peut être de la mécréance. Comme ça a été le cas de l'Iblis, l'Iblis a استكبار وكان من الكافرين. Sauf Iblis qui a fait preuve d'orgueil et il a été parmi le nombre des mécréants. Donc certaines personnes, quand on leur dit la vérité, quand on leur dit la vérité, ils refusent par orgueil, et ça peut être de la mécréance. Et parmi les gens, ils refusent d'apprendre le dîn en adam raqba wa i'radan fahada yakun min mu'ridin qala Allah ta'ala wal ladina kafaru amma unziru mu'ridun. D'autres personnes, ils refusent d'apprendre la religion en n'ayant aucun intérêt, aucune envie, aucune motivation pour la religion. Et il a dit que ça peut être de la mécréance aussi, ça peut être de la mécréance. Parce que dans le verset Lélaï Azoyal, que les mécréants se détournent de ceux dont ils sont avertis. Donc le fait de se détourner complètement de la religion, ça c'est une des caractéristiques des mécréants. Ensuite, le Cheikh Lélaï, ومن الناس من يرفض دليل وقبول الحق إذا بين له محافظة على دين آبائه وأجداده حمية ولا يقبل الحق ويبقى على ما هو عليه. وما أدرك عليه آباءه وأجداده كما كان عليه المشركون. Certaines personnes, quand on leur donne les preuves, ils n'acceptent pas les preuves, ils n'acceptent pas non plus la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester sous la religion de leurs parents et de leurs ancêtres. Et par fanatisme et tribalisme, ils n'acceptent pas la religion, ils n'acceptent pas la religion ni la vérité. Et ils restent sur ce sur quoi il est. Ce sur quoi il a trouvé ses parents et ses ancêtres, comme c'était le cas des mouchikines avant l'islam. يبذلون أنفسهم دون هذه العقائد الباطلة ولا يقبلون الحق مهما يسمعون من القرآن والسنة ويسمعون النهي عن الشرك والأمر بالمعروف أو الأمر بالتوحيد ولا يلتفتون إلى ما في القرآن بل هم معرضون عنه وهذا من الإعراض عن الدين الصحيح والرضا بالدين الباطل Parmi les personnes, comme on a dit, qu'ils adorent les tombeaux, ils n'acceptent pas la vérité, ils n'acceptent pas non plus qu'on discute avec eux, ils sont complètement fermés et ils se suffisent à ce sur quoi ils sont. Ils n'acceptent aucun conseil ni aucune guidée. Quand on essaye de les conseiller, ils bouchent leurs oreilles et ils se détournent complètement du Coran et de la Sunna. Et ils sont fanatiques et bornés et persistent sur ce sur quoi ils sont. Et même des fois, ils peuvent combattre pour cette cause-là, et ils dépensent leurs âmes, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mourir pour défendre leurs croyances qui sont fausses. Ils n'acceptent pas du tout la vérité, même s'ils entendent le Coran, le Sunna, qu'ils entendent le fait qu'on interdit de faire du shirk et qu'on ordonne le tawhid, l'unicité. Ils ne se tournent pas du tout vers ce qui est dans le Coran, ils s'en détournent complètement. Et comme il a dit, cher, ça c'est le fait de se détourner de la religion qui est correcte. Ça c'est le fait de se détourner de la religion qui est correcte et d'accepter et de se suffire et d'accepter d'agréer la religion qui est fausse, la fausse religion. Il dit, هذا كثير في الناس اليوم. قال تعالى, والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Le cher dit que ça c'est une façon de se détourner de la religion et que c'est très nombreux aujourd'hui dans les gens. C'est très nombreux aujourd'hui dans les communautés et chez les gens. Comme c'est dans le verset, là il a dit, et quant à ceux qui croient au faux, ils ne croient pas à Allah, ceux-là seront les perdants. فَهَاوْلَا يُمِنُونَ بِالْبَاطِلِ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ يَسْتَغِيثُونَ بِغَيْرِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ علنا وجهارا هذا هو الإعراض الكفري والعياذ بالله حمية وأنفة. Donc il dit que ces personnes-là, ils croient au faux et ils mécroient en Allah Azzawajal et ils adorent autre qu'Allah et ils invoquent autre qu'Allah et ils demandent secours et l'aide à autre qu'Allah et ils croient en l'adoration de autre qu'Allah et ils mécroient complètement en Allah de façon apparente et cachée. Et ça, c'est le fait de se détourner de la religion qui est de la mécréance, qu'Allah nous en préserve, et ça c'est par fanatisme et par orgueil. ولما حضرت أبا طالب الوفاء وكان موقفه كما تعلمون من الدعوة وحمية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمية الدعوة ولكنه لم يدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليه وهو في الاحتضار فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان عنده أناس من المشركين فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب فعرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصنام فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا عليه فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك، ومات على ذلك حماية أو حمية لدين عبد المطلب ودين الشرك، فأعرض عن قبول التوحيد وصار في النار والعياذ بالله والعياذ بالله. الشيخ حديث سيس كي أغيبي أ Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui connut son oncle paternel, le frère de son père, qui est le même père que son père. Et c'est connu qu'il avait une position très importante dans la da'wah, qui protégeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il le secourait, et il l'aidait dans sa da'wah. Mais malgré ça, il n'est pas rentré dans la religion, il n'est pas rentré dans la religion, dans l'islam. Et lorsqu'il était en train de mourir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, et il lui a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais te défendre. Je pourrais te défendre, yom al-qiyam. Et il y avait près de lui certaines personnes parmi les mouchikines, parmi les polythéistes, ils lui ont dit, est-ce que tu délaisses la religion de ton père? Est-ce que tu délaisses la religion de son père, c'est-à-dire Abdel-Muttalib? C'est-à-dire Abdel-Muttalib. Est-ce que tu délaisses la religion de ton père? Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a répété, et aussi ils ont répété. Et comme il est cher, il a dit que, ils ont compris que si jamais ils disaient la ilaha illallah, ça voulait dire qu'ils délaissaient la religion de Abd al-Muttalib. Donc ils n'ont pas cessé de dire ça, ils ont insisté jusqu'à ce qu'il ait dit qu'il est sur la religion de Abd al-Muttalib et il est mort sur ça. Il est mort sur ça, il a refusé de dire la ilaha illallah. Et ça pourquoi? Par fanatisme et par tribalisme pour la religion de ses ancêtres et la religion du shirk. Il a délaissé le fait d'accepter le tawhid et il est. Au final, il a été parmi les gens de l'enfer. Il a été parmi les gens de l'enfer. Que nous en préserve. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'astaghfiranna laka ma lam unha anka. Fa'anzal Allah ta'ala, ma kana lil nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina wa law kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa'anzal fi Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Donc après, il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je demanderai pardon pour toi, tant que je ne serai pas interdit de faire cela. Ensuite, Allah il a révélé les versets à Zawiyah dans sa Tawba, qui ne convient pas au prophète ainsi qu'à ceux qui ont la foi, de demander pardon pour les mushikins, pour les polythéistes, et même si ce sont des gens proches de la famille, après qu'ils aient eu la certitude qu'ils font partie des gens de l'enfer, c'est-à-dire après qu'ils soient morts, selon la mécréance. Et il a révélé par rapport à Abu Talib, certes, tu ne guides pas celui que tu désires, mais plutôt c'est Allah qui guide qui il veut, et il est plus savant de ceux qui méritent d'être guidés et ceux qui sont des gens qui sont guidés. Il dit وَدَخَلَ ثَلَاثَةٌ الْمَسْجِدِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ وَوَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ جَاءَ وَجَلَسَ فِي الْحَلْقَةِ وَفِي الْحَلَقَةِ رَاغِبًا فِي التَّعَلُّمِ وَالثَّانِي اسْتَحْيَى أَنْ يَنْصَرِفَ فَجَاءَ فَجَلَسَ والثالث أعرض وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال أما أحدهم فقد آوى فآواه الله والثاني فاستحيا الله منهم والثالث أعرض فأعرض الله عنه فهذا جزاء المعرضين عن تعلم أمور دينهم. نعم لديك. Il était rapporté dans le hadith que le prophète Mohammed sallam, une fois, il était dans la mosquée avec ses compagnons. Et il leur parlait et trois personnes sont rentrées dans la mosquée. Ils étaient dans une assise. Donc, parmi eux, une personne des trois s'est rapprochée de l'assise, de la halaqa, et il s'est assis parce qu'il désirait apprendre. Donc, il est rentré dans l'assise et il est resté avec eux. Et le deuxième, il a eu honte de partir, donc il s'est assis sur le côté, il a un petit peu eu honte et il a déjeuné. Et troisième, par contre, lui s'est détourné et il s'est détourné de la science et de l'assise du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc après, le prophète a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous voulez que je vous informe de l'information de ces trois personnes-là? Il a dit, le premier, il s'est assis, il a cherché refuge, et Allah l'a réfugié. Et le deuxième, il a été gêné, il a eu honte, et Allah a été gêné de lui, il a eu honte. Et le troisième, il s'est détourné, et Allah s'est détourné de lui aussi. Il a dit, « فَهَذَا جَزَاءُ الْمُعْرِضِينَ أَنْ تَعَلُّمْ أُمُورِ دِينِهِمْ » Cheikh a dit que ça, c'est la récompense de ceux qui se détournent du fait d'apprendre ce qui a un rapport avec leur religion. وهناك أناس من دعاة السوء يقولون لا تعلموا الناس التوحيد والعقيدة ولا تعلموا شباب وأولاد المسلمين العقيدة لأنهم مسلمون لا يحتاجون إلى تعليم. فالمسلمون أو مسلمون بالبيئة لا يحتاجون لأن يتعلموا التوحيد. Cher dit que certaines personnes parmi les douates qui sont égarés, les prêcheurs qui sont égarés, ils disent de ne pas enseigner le tawhid et l'aqida aux enfants des musulmans. Parce qu'ils disent que les enfants des musulmans sont déjà musulmans de base, et là où ils vivent, ce sont des terres musulmanes, donc du coup, il n'y a pas besoin d'apprendre la religion, ni de leur enseigner le tawhid. Et qu'ils n'ont pas du tout besoin qu'on leur donne des cours par rapport à ça. الشيخ الذي أليس هذا من الإعراض عن تعلم الدين نسبك ساسا في بحشي بفيد ستتغني دبخان لا رليجيون هذا هو الإعراض عن تعلم الدين لأن الدين لا يؤخذ بالوراثة أو بالوراثة والبيئة الدين يؤخذ بالعلم والتعلم فلا بد من تعلم الدين وتعليمه والعمل به فالذي لا يتعلم الدين رغبة عنه ولا يعمل به إذا تعلمه إن كان يقول لا إله إلا الله فهو مرتد مرتكب لناقد من نواقض الإسلام هذا الأمر خطير. Le cheikh dit que ça, le fait de dire aux gens qu'on n'apprend pas la religion, qu'on délaisse d'apprendre le tawhid parce qu'on est déjà des musulmans, ça rentre dans le fait de se détourner de la religion, comme dit le cheikh, parce que la religion, on n'apprend pas par héritage, on l'apprend par le fait de l'apprendre et de l'étudier et de rechercher la science. Donc il faut absolument rechercher la science et l'enseigner et ensuite la mettre en application. Donc celui qui n'apprend pas la science parce qu'il n'est pas intéressé par la religion, de même qu'il ne met pas en application lorsqu'il apprend et qu'il dit la ilaha illallah, qu'il ne pratique rien du tout de la religion, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il ne pratique vraiment rien du tout, ni prière, ni jeûne, ni zakat, ni hajj, ça, il aura fait un annuatif parmi les annuatifs de l'islam. Et c'est quelque chose de très dangereux. والإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة وعدم رغبة فيها فهذا ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك فهذا معصية ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. الشيخ dit que ce qu'on veut dire là, ce qui veut dire le cheikh, c'est qu'on n'apprend pas la religion, c'est les bases de la religion, c'est-à-dire les bases de la religion, la aqida, et comme on a dit, yani, les piliers de l'islam. Et ça parce que la personne n'est pas intéressée. Ça, c'est un agnotif parmi les agnotifs de l'islam. Par contre, le fait d'apprendre les détails de la religion, comme on a dit par exemple, les jugements, qu'est-ce que c'est que le jugement du mariage ou du divorce, ou sinon les transactions commerciales, ou sinon tout ce qui est peine légale, ou sinon l'héritage, et ainsi de suite. Soit par fainéantise ou parce que la personne n'a pas le temps, ça c'est un péché, comme on a dit, mais c'est pas un annuatif. Ça peut être un péché, mais ce n'est pas un annuatif de l'islam et ça ne fait pas sortir de l'islam. Il a dit Amma usuluddin, elle a dit laisse la kemudin abd illa biha, faman a'rada an ta'limiha zuhdan fiha, fainnahu yantakidu islamu, amma l'umuru al tafsiliya. والأحكام المعاملات أو أحكام المعاملات كما سبق فذلك فرض كفاية فيكونون تاركين للسنة وعندهم نقص في تعلم الأحكام لقلة نشاطهم أو كسلهم أو عدم فهمهم لأن من ترك العلم الذي تعلمه أو الذي تعلمه فرض كفاية يكون تاركا للسنة أو تاركا لواجب فيجب أن تعرف هذه الأمور وهذه الضوابط في الإعراض متى يكون كفرا ومتى يكون معصية. نعم. Donc il a dit que ceux qui délaissent, comme on a dit, les bases de la religion, qui sont indispensables pour la religion, dans ce cas-là, c'est considéré comme se détourner de la religion. Et c'est considéré comme de la mécréance, comme on dit, cher, ça peut être un annuatif parmi les annuatifs de l'islam. Par contre, les jugement de la religion, comme on a dit, tout ce qui est en rapport avec les règles et les transactions commerciales, tout ce qui est mariage, divorce, ainsi de suite, ça, c'est pas obligatoire pour toute personne de l'apprendre. Donc, celui qui délaisse ça, il aura délaissé une sunna et il aura un manque dans l'apprentissage de la science, soit parce qu'il n'est pas motivé, ou soit parce qu'il a fait fainéantise, ou soit parce qu'on ne comprend pas. Il n'aura pas fait de mécréance, mais il restera juste une sunna. Ce qu'il a délaissé, c'est une sunna. Donc, du coup, le cheikh a dit que c'est important de faire la différence entre les deux. C'est important de faire la différence entre les deux. Celui qui délaisse le fait d'apprendre les bases de la religion et qui n'a aucune envie d'apprendre la religion et qui s'en détourne complètement, ça peut être la mécréance. Par contre, celui qui délaisse les choses en plus qui ne sont pas obligatoires pour chaque musulman d'apprendre, comme les transactions financières et les règles de mariage, de divorce, d'héritage, ainsi de suite, ça, dans ce cas-là, il aura délaissé une sunna, mais il n'a pas fait de mécréance. Il n'a pas fait de la mécréance. Il a dit, wa ala kulli hal, fi nata'allum al-ilm, la shakka annahu huwa al-haya, wa huwa al-nur. وهو الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Et dans tous les cas, le fait d'apprendre la science, c'est ça qui est la vie, c'est ça qui est la vraie vie, et c'est ça qui est la lumière qui guide la personne. Et c'est ce dont Allah il a ordonné, ce qu'Allah il a ordonné à Zawiyel, et c'est aussi ce que le prophète Mohammed il a ordonné, il a encouragé. Comme il a dit dans le hadith, celui qui prend une voie, parmi les voies qu'on prend pour apprendre la science, Allah il lui facilitera une voie parmi les voies qui mènent au paradis. Il a dit que chaque fois qu'un groupe de gens se regroupe dans la mosquée, parmi une maison, dans une maison, parmi une maison d'Allah, dans une mosquée, en récitant le livre d'Allah et en étudiant entre eux, il a dit qu'ils seront recouverts par la quiétude, la sakina et la tranquillité. Ils seront aussi entourés par la miséricorde d'Allah et les anges les recouvreront de leurs ailes. Et Allah les évoquera auprès de lui, les évoquera devant les anges qui sont auprès de lui. Il a dit, فَهَذَا تَرْحِمْ فهذا ترغيب في تعلم العلم والإقبال عليه في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع رضا بما يصنع فهذا ترغيب في تعلم العلم والإقبال عليه يستقيم به دين العبد ولينتفع به وينفع غيره وينفع غيره نعم إلى ذلك dans le hadith du prophète sallam que les anges rabaissent leurs ailes pour l'étudiant en science par agrément suite à ce qu'il fait, c'est-à-dire que les anges ils se rabaissent devant les étudiants en science, ça c'est par agrément, c'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'il fait, son action. Le cheikh a dit que ça c'est un encouragement pour rechercher la science, légiférer et de se tourner vers la science de sorte à ce que la personne elle soit une religion correcte et que sa religion soit complète et qu'il profite lui-même et fasse profiter les gens. Ensuite, il dit, voilà, chaque cas, il faut qu'il y ait de l'ilm ou de l'ulama, halakat al-umma. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yaqbidu hada al-ilm intiza'an yantazi'ahu min sudur al-rijal, walakin yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama, fa'idha lam yabqi عالم أو يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فالفتوى بغير علم ضلال وإضلال فلا بد أن تكون الفتوى عن علم من الكتاب والسنة إلا فإنها تكون ضلالا وهلاكا هذا لا يحصل إلا بالتعلم قبل أن يفوت الأوان وما دام العلماء موجودين قبل أن لا يبقى عالم فحينئذ يلجأ الناس إلى الجهال والمتعلمين والقراء فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعم يعني que bien sûr ça c'est tant que la science est présente, tant que la science est présente et que les savants sont présents, parce qu'il a dit que si jamais la science elle disparaît, que les savants disparaissent aussi, dans ce cas-là la communauté sera en danger et un risque d'être perdu. La communauté sera en danger et un risque d'être perdu. Comme le prophète a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah Azzawajal ne retire pas la science de la poitrine des hommes, mais plutôt il retire la science et il l'élève par l'amour des savants jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Et à ce moment-là, les gens prendront des têtes de l'égarement, des ignorants qui seront des têtes et qui donneront des fatwas, des avis juridiques sans science et qu'ils égareront les gens et s'égareront. Qu'ils égareront les gens et s'égareront. Donc, j'ai dit que le fait de faire une fatwa, de faire des fatwas et donner des avis juridiques dans la science ou dans la religion sans science, ça c'est un égarement et ça égare les gens. C'est un égarement et ça égare les gens. Il faut absolument que ce soit basé sur la science du Coran et de la Sunna, ou sinon ce sera un égarement et une cause de perdition. Et bien sûr, pour avoir la science, il faut absolument apprendre tant que c'est encore le moment et tant que les savants sont encore présents. Comme on le voit aujourd'hui, dans l'époque qu'on est, beaucoup de savants meurent les uns après les autres. Et il a dit qu'à ce moment-là, il ne restera plus de savants, les gens vont se tourner vers les ignorants et les gens qui ont étudié seuls les autodidactes et les gens qui sont juste des lecteurs qui lisent sans étudier avec les savants. Ils vont aller faire toi et ils égareront les gens et s'égareront eux-mêmes. Ensuite, le cheikh est passé à la dernière leçon. الدرس الثاني عشر في خاتمة شرح نواقد العشرة النواقد العشرة قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره الشيخ dit que شيخ محمد بن عبد الوهاب il n'y a pas de différence entre tous ces annuatifs là ces nawaqid entre celui qui plaisante et celui qui est sérieux et celui qui a peur sauf celui qui est forcé sauf celui qui est forcé qui est contraint. Ensuite, Cheikh Fazan il a dit قوله لا فرق في هذه النواقد لا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد الهازل هو المازح الذي يقول كلاما فيه ردة ويمزح والجاد هو الذي يقصد ما يقول. Donc il a dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux. الهازل c'est celui qui dit quelque chose en plaisantant, c'est-à-dire qui dit une parole de mécréance en plaisantant, et الجاد c'est celui qui est sérieux, qui sait ce qu'il dit et qui le pense vraiment, qui le pense vraiment. وكان في المجلس شاب يقال له عوف بن مالك فأنكر عليهم وقال لهذا المتكلم كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الواحية قد سبقه بخبر هؤلاء فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مقالتهم فقالوا يا رسول الله كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد على أو عن تلاوة الآية ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le cheikh a dit que la preuve c'est l'histoire qui est connue des personne pendant la bataille de Tabouk, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revenait de la bataille de Tabouk, l'an 9, ils se sont assis et discuté, et un parmi eux a dit que nous n'avons jamais vu des gens comme nos récitateurs qui sont aussi menteurs et qui sont yani, avec un aussi gros ventre et aussi lâche lors des batailles, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et parmi ceux qui étaient présents, il y avait un jeune qui s'appelait Auf ibn Malik. Auf ibn Malik, qui est un compagnon, il les a blâmés. Il a dit à celui qui a parlé, tu es un menteur, mais plutôt, tu es un hypocrite. Tu es un menteur et un hypocrite. Il a dit, je vais informer le prophète de ce que tu as dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est parti pour l'informer. Et avant même qu'il y arrive, il a vu que Allah Azza wa Jalla l'avait déjà révélé au prophète. Il avait déjà informé de ce qu'ils avaient dit, ces personnes-là. Après, ils sont venus pour s'excuser. Et le prophète, en son âme, il ne les a pas considérés, il a juste récité le verset. Et si tu interrogeais, il dirait très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dit, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran et de son messager, que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi, mécru, après avoir cru. Voilà. Donc, il a dit, فقال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم مع أنهم يقولون ما نحن جادين ما نحن بجادين إنما كنا نمزح فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى ولا رسوله فلا فرق بين الجاد والهازل. Donc d'un verset, qu'ils ont mécru après avoir eu la foi. Malgré qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas sérieux, qu'ils plaisantaient et qu'ils rigolaient, ça n'a pas été une excuse, ça n'a pas été une excuse valable auprès d'Allah ni auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de différence entre celui qui est sérieux, celui qui n'est pas sérieux, celui qui rigole et celui qui plaisante et celui qui est sérieux. أو يفعل فعل الكفر خوفا من الكفار لا يعذر بأن يقال أو بأن يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر بأن يذبح لغير الله أو يسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من الكفار أو يتنازل عن شيء من أمور دينه خوفا من الكفار لأن هذا مداهنة. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون وقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وقال وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا لولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Non, il a dit que par contre, Al-Khaif, celui qui a peur, c'est celui qui dit une parole de mécréance ou qui fait un acte de mécréance par peur, par rapport aux mécréants. Il n'a pas d'excuse, lui n'a pas d'excuse. Comme par exemple une personne qui dit une parole qui est de mécréance ou qui fait une action de mécréance, il égorge pour autre qu'Allah ou il insulte l'islam et les musulmans, soi-disant par peur des mécréants, ou qui délaisse une chose, il fait un compromis dans la religion par peur face aux mécréants, ça, il n'a pas d'excuse. Et ça, c'est comme on a dit, le compromis qui est interdit. Les compromis qui sont interdits. Et j'ai cité certains versets. Comme le verset où Allah l'a dit, sur la traduction rapprochée, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et dans l'autre verset, il a dit, et si nous ne t'avions pas refermé, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Et dans l'autre verset, il a dit, est-ce à propos de ce texte et de cette révélation que vous faites des compromis, C'est-à-dire, est-ce que c'est à propos du Coran que vous délaissez certaines choses de la religion et que vous faites des compromis ? فالمداهنة لا تجوز في دين الله حتى ولو كان الإنسان خائفا بل يجب عليه أن يتمسك بدينه مع الخوف ما لم يصل إلى حد الإكراه. Le cheikh a dit que c'est pas permis de faire des compromis dans la religion, même si la personne en a peur, tant qu'elle n'est pas forcée, et opprimée. Ce qui est obligatoire, c'est qu'elle soit ferme dans sa religion, même si elle a peur. فإذا وصل إلى حد الإكراه فيجوز له أن يعطيهم شيئا مما طلبوا ليدفع عنه الإكراه بشرط الاطمئنان أو اطمئنان قلبه بالإيمان. قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلا بد من هذه الشروط. Donc ce que dit le cheikh, c'est que c'est pas permis de faire de compromis sauf si la personne elle est forcée et opprimée et qu'elle est contrainte, vraiment n'a pas d'autre solution. Dans ce cas-là, c'est possible qu'elle leur donne ce qu'ils veulent pour se débarrasser d'eux et pour être sûr, ou plutôt sauvegarder son âme, Mais bien sûr, il faut que ça soit de façon apparente et pas dans son cœur. Il faut que ce soit de façon apparente, et pas dans son cœur. Comme si par exemple elle est menacée de mort ou torturée, ou qu'elle est touchée par un mal, elle peut leur donner ce qu'ils veulent et ce qu'ils leur demandent, juste pour se débarrasser. Mais il faut que ce soit de façon apparente et que ce ne soit pas dans son cœur. Donc il y a des conditions. Comme c'est dans le verset, Allah il n'intête qu'au minimum tout cas. C'est-à-dire, au moins que vous cherchiez à vous protéger de eux. Dans le verset, il a dit, sauf celui qui est contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Donc le cheikh dit qu'il faut absolument des conditions pour cela. الشرط الأول أن يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو لينال منهم منفعة فلا يجاملهم في دين الله. La première condition, c'est qu'il soit contraint. Donc la peur, ça ne suffit pas. et qu'ils ne recherchent pas à obtenir des avantages du dunya auprès des kuffar. Il faut vraiment que ce soit une nécessité extrême, c'est-à-dire qu'il est contraint et forcé, il est menacé de mort ou il est torturé dans ce cas-là. C'est possible. La peur, ça ne suffit pas. الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان إما يقول بلسانه فقط إنما يقول بلسانه فقط مع بقاء الإيمان في قلبه. Deuxième condition, c'est d'avoir le cœur en paix et en sérénité avec la foi. C'est-à-dire que il dit ça de façon apparente, mais au fond de lui, il doit avoir la foi dans son cœur, d'avoir la foi dans son cœur, et son cœur doit être rempli de foi. Son cœur doit être rempli de foi. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار كما حصل لعمار ابن ياسب رضي الله عنهما الذي هو سبب نزول هذه الآية هو أن الكفار أخذوه وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطلقوه حتى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدونه فجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال صلى الله عليه وسلم إن عدوا فعد فأنزل الله هذه الآية من كفر بالله بعد إيمانه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. La troisième condition, c'est que il doit faire ça pour se repousser et yani se défendre, repousser la contrainte et se défendre, pas pour agréer les mécréants, et leur faire plaisir. Comme c'est arrivé à Ammar ibn Yasir, qui est connu, qui est un des compagnons qui ont été torturés, lui et ses parents. Ses parents, ils ont été torturés jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et lui aussi était torturé, il mettait du feu, il brûlait du fer, il mettait sur sa peau, il le torturait de façon douloureuse, et il l'avait gardé prisonnier, et ils l'ont obligé à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il ait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est parti, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ce qui s'est passé, le prophète lui a demandé comment est-ce que tu trouves ton cœur, comment est-ce que tu sens ton cœur. Il a dit, je suis en paix avec la foi. Je suis en paix avec la foi. Yani, je suis en sérénité. Mon cœur est rempli de foi. Le prophète a dit, si jamais il recommence, eh bien, recommence. Si jamais il recommence à te torturer, eh bien, recommence. Ensuite, Allah, il a fait révéler le verset, Azzawajal, dans lequel il a dit, quiconque a renié Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui est contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils auront un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les mécréants. Il faut maintenant un chéï min dinihi min ajli tam'i dunyawi ou min ajli an yurdiya al-kuffar ou yujamilahum fa innahu yakunu mudahinan fi dinillahi azza wa jal. بخلاف التقية الذي أو التي يضطر إليه الإنسان اضطرارا وهي لأجل دفع الكراه وكونه يصبر على الأذى ولا يأخذ بالرخصة كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في محنة خلق القرآن أفضل من الأخذ بالرخصة. Donc celui qui délaisse une chose de la religion pour un intérêt mondain ou pour agréer les mécréants, dans ce cas-là, il aura fait du mudahana, comme on a dit, ça c'est le fait de faire des compromis dans la religion, ça c'est pas permis. Par contre, taqiyya, c'est le fait de se protéger, de donner quelque chose aux mécréants pour se protéger contre leur mal. Ça peut être une nécessité, quand la personne, par exemple, elle est forcée ou elle est opprimée ou elle est torturée ou menacée de mort, juste pour se préserver, préserver son âme. Mais le cher dit que dans tous les cas, si la personne peut patienter et ne pas prendre yani, cette option-là, c'est mieux. Comme l'a fait Imam Ahmed dans la fitna dans laquelle il a été éprouvé, dans le Khalq al-Qur'an, quand les gens ont été mis à l'épreuve par rapport à la création du Qur'an, Imam Ahmed il a patienté, il n'a pas lâché l'affaire. Il a dit que ça c'est mieux. Si la personne peut patienter et ne pas yani, céder, c'est mieux. Non. يقال الشيخ رحمه الله وكلها من أعلى ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا هذه النواقض العشرة لماذا اختارها الشيخ مع أن نواقد معنا نواقد كثيرة؟ اختار هذه النواقد العشرة لأنها أكثر النواقد وقوعا في الناس، ولأنها أشد خطرا أو أشدها خطرا، فهو اختارها لأمرين: أولا لأنها أكثر النواقد وقوعا، وثانيا أشد النواقد خطرا. وما كان كذلك فهو جدير بالعناية والحذر. Le cheikh a dit que ces 10 agnatifs-là, ce sont ceux qui sont les plus présents chez les gens et ceux qui arrivent plus souvent. Donc c'est ça la raison pour laquelle il a choisi ces 10 agnatifs-là. Premièrement, parce que c'est ceux qui arrivent plus souvent, et c'est ceux qui arrivent plus souvent chez les hommes, qui font un de ces 10 agnatifs-là. Et parce que ce sont les plus dangereux, Les deux causes pour lesquelles il a réuni ces 10 agnatifs-là, sinon il y en a d'autres, il n'y a pas que ça comme agnatif. Premièrement, parce que ce sont ceux qui sont les plus commis chez les hommes. Et deuxièmement, parce que ce sont les plus dangereux. Donc le Cheikh Fazan a dit que ceux qui sont ainsi, c'est sûr qu'il convient de donner une grande importance et de faire attention. Ensuite, le Cheikh a dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. الشيخ فوزان النجي قالوا ينبغي معنى يجب، أي يجب على المسلم أن يخاف من وقوع من الوقوع فيها، وقالوا أن يحذرها أي لا يزكي نفسه ولا يقول أنا عارف، أنا لست بحاجة إلى تعليمها أو تعلمها، وأن الناس ليسوا بحاجة إلى التوحيد وتعليمه، والناس مسلمون آمنون من الخطر. والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار من أجل ذلك يقول في دعائه لربه: وجنبني وبني نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فإبراهيم عليه السلام خشى نفسه من عبادة الأصنام، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولأن الإنسان قد يزيغ ويضل أو يضل بعد الهدى، فلا يأمن الإنسان على نفسه من الزيغ والضلال. كم من عالم ضل، وكم من تقين فجر وانتكس. فما دام المسلم على قيد الحياة فإنه لا يأمن على نفسه من الفتن، لا سيما مع اشتداد الفتن. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقالوا يخاف منها على نفسه، أي يخاف ولا يأمن على نفسه. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit que il convient musulman de faire attention et de craindre pour lui-même. Le Cheikh Fazan, il a dit yambari yani yajib. C'est obligatoire pour le musulman d'avoir peur de tomber dans ces agnatifs-là. Wayahdara, c'est-à-dire qu'il doit faire attention et il ne doit pas dire que yani je connais déjà ça ou que je n'ai pas besoin d'apprendre le tawhid, que les gens n'ont pas besoin d'apprendre le tawhid, que les gens sont musulmans, ils sont en sécurité. Il a dit que la personne, tant qu'elle est en vie, elle peut être jugée à la fitna, à l'épreuve et à la tentation. Ibrahim alayhi salam, qui a cassé les idoles et les statues, et qui a été jeté dans le feu par rapport à ça, pour ça, il a dit dans son invocation, il a demandé à Allah Azzawajal qu'il évite d'adorer lui et ses enfants, les statues et les idoles. Il a dit parce que ils ont égaré beaucoup de gens. Rabbi innahunna adlanna kathira minan nas. Ils ont égaré beaucoup parmi les gens. Donc Ibrahim, il a eu peur pour lui-même du fait d'adorer les idoles. Pourquoi? Parce que les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts du Ar-Rahman, d'Allah Azzawajal. Il les tourne comme il veut. Si jamais il veut, il peut les laisser sur la voie droite, et si jamais il veut, il peut les égarer. Et l'insan, comme dit Cheikh, la personne, elle peut s'égarer, elle peut dévier après avoir été guidée. Donc la personne ne doit pas être en sécurité, ne doit pas se sentir en sécurité de l'égarement ou du fait de dévier du droit chemin. Et Cheikh a dit « Kam min alimin dal, ou kam min taqin fayar ». Combien parmi les savants sont égarés et combien parmi les gens qui étaient pieux sont devenus des pervers et ont retourné en arrière, sont revenus en arrière. Donc la personne, tant qu'elle est en vie, elle peut être sujet à la fitna, donc elle ne va pas se sentir à l'abri. Surtout au moment où il y a le plus de fitna. La personne ne doit pas être sûre et ne doit pas non plus se sentir à l'abri des fitna. Donc il doit avoir peur et ne pas se sentir en sécurité. Ensuite, le Cheikh dit, والالتجاء إليه من غضبه وأسباب عقابه. هذا مما يعطي المسلم الخوف من الله عز وجل، لأنه لا يمنع نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد الحياة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، فالحي لا تؤمن عليه فتنة ولو كان من أتقى الناس وأعلمهم، ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة أو معرض للفتنة. نعم الشيخ أبخي شو محمد بن عبد الوهاب إلى جي رحمه الله كن دمان الله كن خوتاج ين دمان خفج من شاش خفج أبخي دان الله كنتر ceux qui causent son courroux et son énervement, ceux qui causent son courroux et son énervement, et contre son châtiment douloureux. Il a dit que l'auteur a fini son texte et sa risala par l'istihada, le fait qu'il a demandé protection et a recherché refuge auprès d'Allah contre son courroux, son énervement et les causes de son châtiment. Il dit que ça donne au musulman la peur d'Allah Azzawajal et ça fait qu'il ne se sent pas à l'abri des fitaines et de l'égarement, qui ne sont pas à l'abri des épreuves et des légarements tant qu'il est en vie. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, il a dit qu'il a l'agré, que celui qui veut prendre des gens comme modèle, qu'il prenne ceux qui sont morts comme modèle. Pourquoi ? Parce que celui qui est en vie, on ne peut pas être sûr qu'il soit protégé de la fitna. Celui qui veut suivre des gens en exemple, eh bien qu'il prenne ceux qui sont morts comme exemple. Pourquoi ? Parce que celui qui est en vie ne peut pas être en sécurité, qu'il soit toujours protégé de la fitna. Donc la personne, tant qu'elle est en vie, elle ne doit pas se sentir à l'abri de la fitna. Même si elle fait partie des gens les plus pieux ou les gens les plus savants, elle peut être sujet à la fitna. ختم الشيخ الإسلام هذه الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ختام. فالصلاة والسلام على النبي مشروعة في بداية الأعمال وفي ختامها لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه. والصلاة من الله على عباده معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة معناها الاستغفار له، والصلاة من الآدميين معناها الدعاء له. فنحن إذا قلنا صلى الله وسلم على محمد فإننا ندعو الله أن يثني عليه ويسلم عليه في الملأ الأعلى. الشيخ محمد بن الوهاب il a fini le texte en disant صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الله fasse l'éloge et donne le salut à la meilleure de ses créations, Muhammad, ainsi qu'à ses suiveurs et les gens de sa famille et l'ensemble de ses compagnons et l'ensemble des musulmans. Le Cheikh Fawzan l'a dit, Hafidhullah, que le Cheikh Muhammad ibn al-Wahhab il a fini son texte par la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des façons pour finir une chose. Et il a dit que le fait de faire la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est légiférer au début et à la fin des actions. Comme il a dit dans le verset, « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. » Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et Cheikh Fawzan, il a dit que la prière d'Allah, ça signifie que Allah fasse les éloges de son serviteur devant les anges. Et la prière des anges, c'est le fait qu'ils demandent pardon pour lui. Et la prière des humains, c'est le fait qu'ils fassent des du'as pour lui. Ça, c'est ce qu'il a dit à Bil-Ali, comme il cité le Bukhari dans Sahih Bukhari. Salatullahi ala abdihi, thana'uhu fil mala'il a'la. تنوع العبد في ملأ الأعلى ومن الملائكة الاستغفار من الآدميين الدعاء من الآدميين الدعاء سسكلي أبي العالية كم يسيتي دون صحيح البخاري. Donc il a dit que quand on dit sallallahu ala Muhammad, ça veut dire qu'on demande et on invoque Allah qu'il fasse les éloges du prophète Muhammad, qu'il fasse les éloges du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devant les anges. Et là, le texte est fini et l'explication aussi du Cheikh Al-Fawzan, c'est fini. Qu'Allah fasse miséricorde au Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab et qu'il préserve le Cheikh Al-Fawzan et récompense tous les deux et nous augmente en science. Il nous facilite et nous préserve de tomber dans les annuatifs de l'islam. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Hada, Wallahu A'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.